Audiomatic. Thank you. Audiomatic Transmission 191, introduite par le groupe allemand Hojob et leur composition Transformation, tirée de l'album Matrix, qui comprend des versions remixées de pièces de leur album Solutions for a Small Planet et également de nouvelles pièces créées à partir des mêmes éléments sonores qui ont servi à composer leur album Solutions for a Small Planet. D'ailleurs, Matrix comprend un deuxième CD sur lequel on retrouve le catalogue des sonorités rythmiques, des séquences, des boucles sonores, des accords et des effets utilisés sur l'album Solutions for a Small Planet. Ah, Audiomatic, nous aimons les mots, mais nous les apprécions davantage lorsqu'ils sont accompagnés d'un rythme et de mélodies synthétiques. C'est pourquoi les électronistes arrêtent maintenant de parler pour laisser Elena Alice Fossey chanter les paroles de la pièce Lost Island pour la formation Curlian Camera. Thank you. places. When everything collides and nothing really matters. When I stay behind. c'était le duo Goldfrapp qui concluait cette séquence musicale de trois pièces. La composition Ocean que nous avons entendue se retrouve sur le plus récent album de Goldfrapp intitulé Silver Eye et il est paru en 2017. Avant cela, c'était la formation Diary of Dreams et la pièce Push Me sur laquelle on peut entendre la voix de la chanteuse Amelia Brightman. Cette pièce paraît sur l'album de Diary of Dreams qui se nomme Ego X. Et en début de séquence, c'était Curlian Camera et la composition Lost Island parue sur leur plus récent album Hologram Moon. Nous enchaînons à Audiomatique avec Benko de Gaia. Thank you. don't have to be sad to cry. Il s'agissait à Audiomatic du projet anglais Benko de Gaia, principalement mené par Toby Marks. Nous entendions sa composition Fake It Till You Make It de l'album Iggyzy. À Audiomatic, allons-y maintenant avec l'artiste Mickey Gonzalez qui nous offre une réinterprétation contemporaine de la pièce José Antonio, originalement composée par la chanteuse Maria Isabel Granda en 1967. Thank you. venons d'entendre la pièce Plotinus de la qui se retrouve sur l'album Hello Everything du projet Square Pusher. Et avant Square Pusher, c'était l'artiste Mickey Gonzalez qui nous offrait sa réinterprétation de la pièce José Antonio, originellement composée en 1967 par la chanteuse péruvienne María Isabel Granda de son pseudonyme Chabuca Granda. Cette version contemporaine paraît sur l'album Ritmos del Perú, sur lequel les artistes Jamie Cuadra et Mickey Gonzalez ainsi que le groupe Nova Lima reprennent des pièces du répertoire péruvien en y intégrant des éléments électroniques. La transmission 191 d'Audiomatic se conclura avec le projet Velvet Acid Christ de l'Américain, dis-je, Brian Erickson. De son album Calling of the Dead, nous entendrons la pièce Timeless Visions. Les électronistes vous donnent rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour entendre en direct la transmission 192 d'Audiomatic. Sachez également qu'il est toujours possible d'écouter les transmissions d'Audiomatic quand bon vous semble en accédant à nos archives à travers nos profils mixcloud.com/audiomatic et facebook.com/audiomatic/CFOU. Voici Velvet Acid Christ avec la pièce Timeless Visions. C'était Audiomatic avec les électronistes.